بسم الله الرحمن الرحيم. في درس الماضي أخذ ماذا؟ قدر. قدر. نعم. ما هي أركان القدر؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نعم. أحسنت. Vite fait pour rentrer dans le prochain ders, on a dit que le qadar, l'iradat en qasim. À combien de qasim? Ma huma? Irada kawniya ou irada shar'iya. C'est quoi la différence entre les deux? Irada shar'iya, yadoulou ala mahabbatillah, parce que Allah il aime. Aywa. Et c'est pas obligé que l'ayal zem le kouad. Non, c'est pas obligé qu'elle arrive et Allah l'aime forcément. Comme, مثلا هداية الناس. نعم. والكونية لا يلزم وقوعه. يلزم وقوعه. وقوعه. فاعل يلزم. يلزم وقوعه ولا يدل على. ولا. قد يكون. أيوة. So obligé d'arriver et ce n'est pas obligatoire qu'Allah il aime cette chose-là. Comme par exemple, le couvre des kuffar. Le coffre de Koufar, la falaine, il a lieu car Allah l'a voulu. Mais Allah n'aime pas cela. Et le Mashi'a? Le Mashi'a, la Koufassine. Le Mashi'a, elle équivaut à quoi le Mashi'a? Le Sha'iya. Là, c'est le Kouniya. Le Mashi'a. Elle équivaut à l'irada al-kouniya. Taïeb, elle est en train de trouver force l'iman. Même Qasir, Inch'Allah. Donc, ça, c'est le 16e point. Dans le kitab. Qala faslun fil iman. Al-iman. Ce que nous, on appelle en français la foi. Al-iman qawlun bil-lisan wa amalun bil-arkan wa aqdun. بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Que l'iman, c'est quoi sa définition? Tout simplement, comme l'auteur l'a cité, c'est parole de la langue, des œuvres, des actes des membres, une croyance dans le cœur, que cette foi augmente et diminue. Elle augmente avec les actes d'obéissance et diminue avec les actes de désobéissance, les péchés. وأحيانا كنت تسمع قول وعمل تسمع قول وعمل الاستلاحات أشانج مي لو سونس لو ميم كون ديس قول يبغى دير قول باللسان اي عمل القلب الاعتقاد اون ابل قول ايغالمون اون ابل قول ايغالمون كان لوسكون دي قل لا اله الا الله طيب قل لا اله الا الله سي با سومون لو فات دو لو برونونسي سي دافوار بور كرويونس دون تا بارول قول لا إله إلا الله يعتقد ما يتضمن معناه que tu dois avoir pour croyance que son contenu implique et non pas le simple fait de prononcer comme cela va arriver parmi les branches de l'Murji'a comme ils ont défini l'Iman. Donc on entend seulement qol ou amel, c'est ça que ça veut dire. Et également amel, ça peut être également amel kalb. En tout cas, la boud min al-diyashi al-salafa. C'est obligatoire de trouver ces trois choses-là. Et que amal bi-jawarih, contrairement à ce que des gens disent, fait partie intégrante de la foi. Celui qui délaisse les actes des membres, dans leur totalité, il est kafir. D'accord? Comme le stipule le ulama, c'est un kafir. Bi dalil, hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala anna fi jasad mudghata izi fasadat. فصل جسد كله وإذا صلحت صلحت جسد كله إلا وهي القلب qui est dans le corps un morceau de chair si jamais il se réforme tout le corps sera réformé et si jamais il se corrompt tout le corps sera corrompu il s'agit du cœur donc ce qu'il y a dans le cœur se retransmet automatiquement à travers les actes car des gens disent la foi est dans le cœur on dit non et ce qu'il y a dans le cœur ressort sur les actes ça c'est une chose qui est automatique. Ce que tu aimes dans ton cœur, ça se verra à travers tes actes et à travers tes paroles, obligatoirement. Donc on ne peut séparer les actes quand même de la croyance dans le cœur. Ce n'est pas possible. Qal. Et Tayyib, l'oratène, Cheikh Othaymine dit c'est tasdiq. L'imène tasdiq, le fait de croire. Tasdiq. Et Cheikh l'islam, il a, comment dire, il dit que le fait de dire tasdiq tout seul ne suffit pas. Tasdiq, ça ne suffit pas. Également, il faut l'ikrar. Y croire et l'admettre. Tu dois y croire, tu dois l'admettre. Car ce fut le cas de qui? De Abu Talib. Lui, quand il y a un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il croyait son neveu. Mais il n'a pas admis. Par kibr. Et par taqlid de sa kabila. Donc cela l'a rendu, l'a laissé kafir, mushrik. Alors, fait tasdiq wahda ma yakfi. Et parmi les adillats de cet iman, قال تعالى كما ذكر المؤلف وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك الدين القيم وذلك دين القيم. Cependant, il ne leur a été simplement ordonné de n'adorer que Allah en lui vouant un culte sincère, pur, et d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat. Et voici la religion droite. Tayyib. Awalan i'alab nahwiyya. Ma i'alab mukhlisin. Wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisin lahuddin. Mukhlisin, c'est quoi son i'alab? أحسنت حل وحنفاء قصني على كل منصوب نعم دو كوا سي ان جام ان بلوس الدين لا الى معرفه الى ال حنفاء الى عيا. Hunafa, c'est le jam de Hanif. Donc c'est quoi ce nom arabe là? Hal également. Arsent. Pourquoi il n'y a pas de tanwin? C'est quoi la illa? Hein? Ça, regarde bien. Hunafa. Ah ouais, harf, alif, hamza. Alif Ta'nith, c'est ça, non? Alif Ta'nith. Aïe, non. C'est pas dur celui-là. Parce qu'à la fin, Alif, avec le Hamza, comme Ulama, Asdiqa, Hunafa, Umala, c'est Mamnoun Asarf. Qal, j'ai'ala ibalat Allah ta'ala, ou ikhlas al-kalb, ou ikhlas al-salé, ou ikhlas al-zakat, kullahum d'id-din. Donc il a fait que l'adoration pour Allah, la sincérité dans le cœur, le fait d'accomplir la salat, et de sécurité de la zakat, tout cela est parmi la religion. Donc dedans, on a quoi? La croyance, quand même, la parole et les actes. Car le hanif, بلا شك انه سيقول لا اله الا الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق فجعل القول والعمل من الإيمان. Que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit que la foi est de 70 branches. La plus haute, c'est l'attestation de la ilaha illallah. Et la plus basse, c'est le fait d'ôter les obstacles du chemin. Donc il a mis les actes ainsi que la parole faisant partie de l'iman. Ce hadith est le shamil, l'englobe le tout. Tayyib, y'a soit le nahwi akhar. C'est quoi l'irlab de shu'batan? Tamiz. Tamiz, ahsant. Tamiz, zat ou jumla? ذات parce qu'il est venu après سبعون. Donc tu vois, celui qui a مثلاً l'iman dans le cœur, la chose au minimum qu'il puisse faire, c'est enlever une chose de la route. Au minimum qu'il puisse faire, c'est parmi les actes, enlever une chose de la route. Des choses que même des koufars les font. Lui, le fait avec une niya. Il le fait avec une niya. قال الله تعالى فزادهم إيمانا. Et que cela leur ajoute de la foi. Donc cela, c'est venu pourquoi ? Pour te montrer que l'iman, il augmente. Contrairement à ce que disent les Mourji'a. Ils disent que l'iman, il ne monte pas ni ne diminue. Il reste. Le moumine, sa foi, elle est parfaite. Parmi l'une des branches des Mourji'a. Encore le Ta'ala, yazdadu iman. Pour qu'il rajoute de la foi. Donc les gens, plus leur iman il est fort, et plus ils font d'actes. Ou plutôt le contraire, plus ils font d'actes, sincèrement pour Allah, et plus leur iman il est fort. Plus leur iman il est fort. Et parmi les plus grands croyants, ou plutôt le plus grand croyant après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, autre que le prophète, c'était qui ? Abu Bakr al-Siddiq, radhiyallahu anhu. Et il faisait beaucoup, beaucoup d'actes. Comme par exemple dans ce fameux hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demanda, qui aujourd'hui a visité un malade ? Il disait, moi. Il disait, qui aujourd'hui a nourri un pauvre ? Il disait, Anna. Il disait, aujourd'hui, qui a suivi une janaza ? Il disait, Anna. Qui aujourd'hui, Sa'im ? Il disait, Anna. Après, le Nabi Sa'im, il a dit, celui qui regroupe ces quatre choses-là en une journée, min ahl al-jannah. Amt, min ahl al-jannah. Et Omar disait, kazalik, que quoi qu'il fasse, Abu Bakr l'avait toujours devancé. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا qu'il a dit صلى الله عليه وسلم dans le hadith متفق عليه sortira du feu celui qui aura dit لا إله إلا الله et dans son cœur il y a le plus petit grain de moutarde ou atome ou réalisalika de foi. C'est-à-dire le niveau le plus bas de foi. Donc là, ce hadith démontre que l'iman, il a des degrés. Certains ont un iman qui est grand et d'autres qui est moindre. D'accord ? Qui est moindre. Et ceux-là, ce sont les derniers qui sortiront du nar. Parmi les gens qui vont aller au Jannah. Après, fi hadha al-bab, bab al-iman, les gens de deux, il y a eu deux groupes assassis, deux groupes principaux, qui sont opposés aux gens de la sunna. Fi al-wa'idiyya wal-murji'a. Al-wa'idiyya, ce sont les khawarij, basés sur le mot wa'id qui veut dire la menace. Ha'oula, أخذوا جميع أدلة الوعيد دون النظر إلى أدلة الرحمة والتفاصيل. Ils ont pris tous les adillets des menaces. Ils ont pris dans leur absolu sans regarder les tafasil et sans, مثلا, regarder taksim du kufr ou du shirk en akbar et en asrar. Pour eux, c'est une chose. D'accord ? C'est une seule chose. Et pour eux, l'iman, c'est kazalik, irtiqad, qawl ou amal, ils en ont fait une seule chose. Une seule chose. Et pour eux, c'est où il reste entièrement ou il part entièrement. Amt, l'iman pour eux, c'est où il part d'un coup ou il reste d'un coup. Alors demain tu fais une kabira, pour eux, hop, ton iman il est parti. Ton iman il est parti. C'est pour cela qu'ils rendent des mécréants les gens de la Ummah. مثلا pour eux لا يمكن ان يجمع بين التوحيد والشرك الاصغر والايمان والكفر الاصغر pas possible pour eux, tu peux pas être un mouahid avoir fait du shirk asghar, tu peux pas être un mu'min avoir fait du kufr asghar, c'est pas possible pour eux, c'est ridda, automatiquement tu deviens kafir, contrairement au jour de la sunna. Il a dit là, on a déjà cité que le shirk yan qasim le kouf, kazalik al-qasim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà nommé le fait du jour par là comme étant du shirk asghar. Il a nommé le riya comme étant du shirk asghar, comme cela est vu dans les hadiths. Et dans les adillahs où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam emploie le mot kufr, et à l'inverse de cela, d'autres adillahs sont venus pour dire que ce n'est pas du kufr akbar. Mathalan, qital mu'min kufr wa sibabuhu fusuq. Le fait de combattre un musulman, un mu'min, c'est du kufr. Et le fait de l'insulter, c'est le fisc. Ou dans le Coran, quand Allah Azza wa Jal ou une taïfatan min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma. Donc il a dit, si deux groupes parmi les croyants se combattent, alors réconciliez entre eux. Il a bien dit iqtatala. Donc là, pour bien que, comme on lit entre les deux, entre le hadith et le verset, alors qu'il ne peut pas y avoir de ta'arud, c'est que le hadith, le clock alal al-kufr al-ashar. Al-kufr al-ashar. Et il y en a plein d'autres exemples comme ça. Mais là, ils refusent, ce taksim. Donc ça, c'est la première secte principale, c'est Al-Wa'idiyya, compris que les textes de menaces et de châtiments. Wa thaniya Al-Murji'a. Al-Murji'a. Qui eux, hum afrodu al-amal an al-iman. Ils ont séparé les actes de la foi. Et ils sont de différentes formes. Ce sont quatre principales catégories. Les pires, ce sont Murji'a, Al-Jahmiya. Murji'a, Al-Jahmiya. Eux sont les pires. Hum Ghurat al-Murji'a. Ce sont les ceux qui ont du roulou le plus dans les Murji'a. Pour eux, Al-Iman wa Ma'rifat al-Rabb. Le fait de reconnaître le Seigneur. Et comme tu as pu l'entendre dans l'audio de ce kafir murted de Rachid Birbash, qui a dit que qu'on l'appelle Zeus ou Jésus ou Dieu ou Allah, pour lui c'est la même chose. L'important c'est d'y croire. Et bien même lui là, il est plus bas que ces gens là. Fahimt? Car même un Rububiya, les chrétiens ne l'ont pas attribué totalement à Isa, alayhi salam. Et Zeus, chez les Grecs, Kazalik, il n'a pas tout fait, il n'a pas tout. Parce qu'ils ont un dieu de la mer, ils ont un dieu de telle catégorie. Et Zeus ne regroupe pas forcément toutes ces catégories-là en lui-même. Juste, il est plus grand que les autres. C'est le chef, un peu, on va dire. D'accord ? Donc même la Rububiya, Zeus ne l'a pas. Et lui, il dit que le fait de croire en un Seigneur, bon, il n'a pas dit mon Seigneur, c'est la même chose. Pour lui, c'est à servir au même. Le plus important, c'est de croire. Alors, tu peux être juif, tu peux être chrétien, c'est une religion comme une autre. Alors qu'on a pris dans l'enquête de l'islam. Dans l'enquête de l'islam, ma'adha, man sahaha, mazhab mushrikin, qu'il a rendu authentique le mazhab de mushrikin, et il se fait en fait de ne pas rendre mécréant le kafir qui est clair, jali, ça c'est la ridda. Et t'as pas à douter, toi, ou même chaque caca qui est kufri, ou qui doute de sa mécréance, il devient kafir. Donc lui, même d'autres paroles énormes qu'il a dit, que le Coran, il n'y a pas impossible qu'il soit changé. Qu'il a été changé, altéré, comme on l'a appris la dernière fois. C'est des paroles de kufr clairement. Donc cet homme-là, c'est un zindiq, lui. Donc ça, ce sont les premiers. Ils disent que le simple fait de reconnaître Allah dans son cœur, ou plutôt un Rabb, ça fait de toi un mu'min. Donc là, en faisant cela, ils ont rentré qui dans l'iman? Iblis. Iblis. Iblis, comme il y a le Rabbi, anzirni le yom yub'athoun. Et c'est aussi là-dedans qu'est tombé Amr Khalid, le Misri, le Munharif, qui a dit que Iblis, il n'a pas mécru. Car il a dit Ya Rabbi. Donc ça prouve qu'il croit au Rab, donc c'est-à-dire que c'est un mu'min. Donc lui, il doit être dans cette branche-là. Après, deuxième catégorie, ce sont Murjia al-Karamiya. Murjia al-Karamiya, qui sont les Adbar de Mohammed ibn Karam. Ou pour l'Iman, c'est Qol bil-Lisan. Le fait de le prononcer par la langue. Donc, à leur madhhab à eux, ça veut dire que les munafiqoun sont des mu'minoun. Et l'ont dit. Wa thalitha, troisième firqa, Murjia al-Asha'ira. Pour eux, l'Iman, c'est tasdiq al-Qalb. Tasdiq al-Qalb. Donc, eux, ils rentrent qui dans l'Iman? Abu Talib. Pour Abu Talib, c'est un mu'min. Car il a cru. Et quatrième, qui sont appelés Murjia al-Fuqaha, qui sont les ashabs de Abu Hanifa et de Hamed ibn Abi Sulayman, que pour eux, l'Iman, c'est Qol bil-Lisan ou I'tiqad bil-Qalb. C'est le fait de penser par la langue et de l'avoir pour croyance. C'est tout. Eux, ils ont sorti les actes de la foi. Donc eux, par contre, ils ont été badda. Et les autres firak qu'on a pris auparavant, de Murjia, eux, ils sont des koufars. Et leur choubouhat à eux, c'est contrairement aux wa'idiyah, ils sont basés que sur les adilat de la rahma. Et ils ont pris les mutashabiyah, ils n'ont pas pris les murkama. C'est ça leur choubouhat à cela. Donc celui qui te dit que les actes, les sept arcanes et l'iman, que tu peux ne pas faire d'actes, mais tu veux la croire dans ton cœur, ça c'est divergé à ça. هذا الذي هم كانوا عليه. Et Abu Hanifa, que les gens disent qui, ce qu'ils veulent, les ramènent qui ils veulent pour essayer de le défendre, les salafs aïbadda. Quand même, l'aïbadda, pour d'autres erreurs même qu'il avait. Mais là, c'est un murji fukaha, on ne peut pas dire que c'est un salafi. Et lui, contrairement à d'autres ulama qui ont fait des zalel dans la aqidah, il a eu ukimat al-hujja. Et à son époque, il y avait des imams qui étaient présents. Donc c'est contradictoire de dire que Abu Hanifa Amin est Murjia al-Fuqaha et après de dire non, il est parmi el-Sunna. Tu ne peux pas être el-Sunna et Murjia al-Fuqaha, ce n'est pas possible. Donc les gens le trouvent des excuses, à son époque ceci, dans son époque cela. On dit nous, Namshi al-Amadha, le jar des salafs. Leur critique, elle était détaillée, elle était claire, et ils le connaissaient mieux que nous. Donc on ne peut pas aujourd'hui venir à une époque et faire comme si leur jar il était dépassé, il était fini. Et le Khatib, al-Baghdadi, il dit quoi? Il dit que le fait de délaisser le jarh, mufassar du jarir, c'est un tendre dans sa personne. Car c'est comme si tu remettais en doute ce qu'il disait. Le fait de rejeter un tardil, c'est pas un tendre. Quelqu'un fait l'éloge d'un musulman, par exemple. Tu dis, un tel, je le connais, il est à la khay, il est kaza, il est kaza, il est kaza, il est kaza. Car c'est le asl dans ce qui lui a apparu. D'accord? Quelqu'un, il vient et dit, non, moi, un tel, je le connais mieux que toi. Et j'ai vu de lui ce que tu n'as pas vu. Et il a fait ça, ça, ça, et dit ça, et ça, et ça, et ça. Donc en disant cela, tu diffames pas le mu'addil. C'est juste, tu lui apportes une chose qu'il ne savait pas. Par contre, en disant non, ce que tu dis, je n'y crois pas, tu rejettes le surplus de sens que toi tu n'as pas vu. Quelqu'un il est venu, il a ce que tu n'as pas su toi. Il a vu ce que tu n'as pas vu toi. Entre ce que tu n'as pas entendu toi. Il affirme, il est connu pour être quelqu'un de fiable. Tu dis non. Non, j'accepte pas. Donc lui, en faisant cela, tu le diffames. Et en plus, il dit également dans son livre que celui qui agit de la sorte, Leïsa Ehlen Liakun ليس اهلا للجح والتعديل ceux qui cachent de la sorte qui rejettent un jar mufassar qui reste sur un ta'dil et le jar mufassar il l'a écouté il le connaît mais il le rejette et continue à faire son ta'dil lui c'est pas quelqu'un qui est apte à faire du jah ou ta'dil donc Abu Hanifa comme l'a dit Hacham Moukbil c'est un murji et d'autres l'ont dit bien avant lui donc les gens n'ont pas à faire de saura et à insulter les gens qui disent cela comme on le dit si jamais tu n'es pas d'accord avec ce jar commence par critiquer les salafs qui l'ont dit avant en premier lieu si jamais tu es courageux sinon ça prouve que c'est du ta'assoub c'est pas de l'insaf car demain tu vas venir à quelqu'un tu vas dire Abu Hanifa c'est un murji ils vont te sauter dessus, tu lui dis d'autres salafs, on lui dit avant moi, pourquoi tu ne sois pas sûr aussi? Pourquoi moi en particulier? Ça c'est du ta'assoub que tu es en train de faire, c'est pas de diffère du haq. Car moi je ne dis cela qu'en prenant le jar des salafs. Je ne l'ai pas inventé de ma tête, je ne suis pas réveillé un matin, je me suis dit tiens Abu Hanifa, je parlais sur lui comme ça. J'ai lu des aqwal des salafs, comme le fils de l'imam Ahmed, Abdullah ibn Ahmed, il a fait un livre dans lequel il a rapporté les aqwal des salafs sur lui. Cheikh Moukbil a fait son livre qui est Nash al-Sahifa. Il a regardé l'isnad de toutes ses critiques, parce qu'il n'a pas fait cela par passion, tu vois. Il a vérifié Hassanid, qui a monté au Salaf, qui avait critiqué. Il a mis tout ce qui était authentique, et il en a fait un livre entier, démontrant que les Salafs étaient tous, à son époque, sur le fait de le critiquer. Pour sur ce point-là ou d'autres. Et si quelqu'un dit pourquoi son mazhab aujourd'hui est connu, on dit « Adaché Aradahullah ». Alashay aradahullah. Ça peut être aussi une épreuve pour les gens. Et regarde bien, les ashab du mazhab Hanafi, ce sont les gens les plus loin du haq, dans le fiqh, dans la croyance et dans plein abouab. Le mazhab, c'est le mazhab le plus faible parmi les quatre, le plus loin du dalil. Car lui, c'était parmi les gens qui se basaient sur l'opinion, le ra'y. Et non pas sur les Adillah. Et aujourd'hui, les Ahnaf sont des Murji'a. Par contre, c'est là que tu vas voir les Malikiya, aujourd'hui, c'est plus des Maturidiya. Et les Shafi'iya, c'est plus des Asha'ira. Mais eux, ce n'est pas par suivi des Shafi'iya de Malik. C'est les gens qui sont rentrés après, qui ont changé l'Aqwal. Ama les Ashab d'Abi Hanifa, eux, c'est Ittiba'an là, qui sont des Murji'a. Car lui, il était déjà à la base. Alors qu'Imam Shafi'i, Imam Malik, rahimahumullah, eux étaient sur la vérité. Donc ce khalal dans l'aqidah, il est venu par la suite. Femta'ada, donc, khurasa, celui qui sort les actes de la foi, et on fait une chose superficielle ou ajoutée, et non pas un pilier, d'accord ? Lui, c'est un murji. Et qu'il n'est pas possible de laisser les actes dans leur totalité. D'ailleurs, les gens ont accusé le même Albani d'être un murji. Même Albani, il a béni celui qui laisse ses actes de Mikulliya, c'est un cas à faire. Par exemple, après, il a eu des paroles qui. Il emploie des expressions qui n'étaient pas correctes, ce qui font que les gens s'en viennent à ce résultat-là. Mais le cause de son kalem, on ne le connaît pas. Sa akida, à travers tous ses livres, tout ce qu'il a fait depuis le début. Par exemple. Et lui, il le dit clairement que celui qui faisait ses actes des membres, Mikulliya, c'est pas un musulman. C'est pas un musulman pour lui. Il a dit qu'il laisse ses actes. Hatta la yabqa shay'un min al-iman fi qalbi. Qui voit que l'iman y monte et descend. Il dit il délaisse, à tel point qu'il ne reste plus rien dans son cœur comme acte, comme iman. Donc ça devient un kafir. Non. Donc là, c'était bab anifos fil iman. Et de demain. On trouvera donc Fossi Samariyat et ce sont des points différents liés aux choses de l'invisible ou autres basés sur les textes. Ce sont plus, là, c'est un Foss tout seul avec différents points. Ma foumarada, fa ilahuna wa alhamdulillah rabbil alamin.